إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, mes frères, on va reprendre dans cette assise, inshallah ta'ala, l'étude d'une épître que l'on a commencé il y a quelque temps et que l'on n'avait pas terminée. Cette épître n'est autre que les six fondements de l'imam, le shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala. On a vu dans les précédentes assises les quatre premiers fondements. Le premier fondement qui est al-ikhlas, l'obligation de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième qui est l'importance de l'union en religion et la mise en garde et l'interdiction de se diviser dans celle-ci. Puis on a vu dans le troisième fondement qu'il fait partie de l'union complète et que l'union ne peut se concrétiser que par l'écoute et l'obéissance aux détenteurs de l'autorité parmi les musulmans. Et enfin, on avait vu dans le dernier cours le quatrième fondement dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous exposait la différence entre les gens de science, les savants, et ceux qui s'assimilent à eux alors qu'ils n'en font pas partie. On va voir dans cette assise, incha'Allah ta'ala, le cinquième fondement qui porte sur la distinction entre les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et les alliés du diable. L'auteur rahimahullah ta'ala a donc dit: le cinquième fondement est qu'Allah subhanahu wa ta'ala caractérise clairement ses alliés et les distingue de ceux qui leur ressemblent parmi les ennemis d'Allah, les hypocrites et les pervers. Et il suffit à ce sujet d'un verset de la sourate Ali Imran, qui est sa parole, subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Dis, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Et un verset de la sourate Al-Ma'idah, qui est sa parole, subhanahu wa ta'ala, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple que lui aime et qui eux l'aiment, subhanahu wa ta'ala. Et un verset de la sourate Yunus, qui est sa parole, subhanahu wa ta'ala, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. En vérité, les alliés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés, ceux qui croient et qui craignent Allah. Ensuite, il dit, rahimahullah, et il est advenu par la suite chez la plupart de ceux prétendant à la science et qu'ils font partie des guides parmi la création et qu'ils sont des protecteurs de la législation, que les alliés d'Allah doivent nécessairement délaisser le suivi des messagers, alayhimus salatu wassalam. Et quiconque les suit, c'est-à-dire quiconque suit les messagers, ne fait donc pas partie des alliés d'Allah. Ils prétendent qu'ils doivent obligatoirement délaisser la lutte pour la cause d'Allah, et quiconque lutte n'en fait pas partie. Ils doivent également délaisser la foi et la piété, car quiconque persévère dans la foi et la piété n'en fait pas partie. Puis il dit, rahimahullah, ô Seigneur, nous implorons ton pardon et ta protection. Tu écoutes certes l'invocation, c'est-à-dire tu réponds certes à l'invocation. Donc dans ce cinquième fondement, comme vous le voyez, l'auteur, rahimahullah ta'ala, soulève un point très important. Et il nous expose les caractéristiques des alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce afin que tu les distingues des alliés du diable. Les alliés d'Allah, ce sont ceux qui croient en lui, subhanahu wa ta'ala. Ceux qui le craignent et se tiennent droit sur sa religion. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans sa parole, que l'auteur rahimahullah a cité: Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. En vérité, les alliés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a indiqué leurs caractéristiques. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui croient et qui craignent Allah. Donc ceci, la foi et la crainte d'Allah, ce sont les deux plus grandes caractéristiques des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce n'est pas toute personne qui le prétend qui est réellement un allié d'Allah. Sinon, tout le monde le prétendrait. Tout le monde dirait, moi je suis un allié d'Allah, s'il suffisait de le prétendre pour l'être réellement. Cependant, on doit évaluer celui qui a cette prétention. Et sur quoi on l'évalue? Celui qui prétend être un allié d'Allah, on va l'évaluer par ses œuvres. Si ses œuvres, elles sont basées sur la foi et la piété, al-iman wa taqwa, alors c'est un allié d'Allah, incha'Allah ta'ala. Et si ce n'est pas le cas, si ses œuvres, elles s'opposent à la foi et elles s'opposent à la piété, alors il n'y a pas de doute que sa prétention est fausse. Et en réalité, sa prétention d'être un allié d'Allah, en réalité c'est quoi? C'est une sorte de recommandation pour sa propre personne. Il se purifie lui-même. Et ceci s'oppose à la crainte pieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 32 de Surat al-Najm, « فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى » Ne vantez pas vous-même votre pureté, ne recommandez pas vos propres personnes. C'est lui, c'est-à-dire Allah, qui connaît mieux ceux qui le craignent. Donc, celui qui prétend qu'il fait partie des alliés d'Allah, il a vanté sa propre personne. Il est alors tombé dans une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est tombé dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans ce verset. Et ceci s'oppose à la crainte pieuse qui fait partie des caractéristiques des alliés d'Allah. Les alliés d'Allah, donc, ils ne vantent pas leur propre personne. Ils ne font pas ce genre d'attestation. Ils n'attestent pas de la piété pour leur propre personne. Mais ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils craignent Allah. Ils œuvrent dans l'obéissance à Allah et ce de la façon la plus complète. Et ils ne trompent pas les gens et ne les leurrent pas par ce genre de prétention comme le font certains charlatans dans le but d'égarer les gens du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ceux qui se nomment parfois les maîtres, al-sayyid, ou encore l'allié ou le saint, al-wali, si tu médites sur sa situation en réalité, tu le trouveras souvent bien loin d'être un allié ou un maître. C'est pour cela qu'il est conseillé aux musulmans de ne pas se faire leurrer par quiconque prétend être un saint, quiconque prétend être un wali, jusqu'à ce que tu évalues sa situation par ce qui est venu dans les textes du Coran et les textes de la Sunna comme description des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur, comme on l'a vu à travers sa parole, rahimahullah, il a indiqué les signes de l'amour d'Allah et les signes de l'alliance à Allah subhanahu wa ta'ala dans les trois versets qu'il a cités. Le premier verset donc, qui est le verset 31 de Surat Ali Imran, est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ. Dis, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Ce verset, il est appelé le verset de la mise à l'épreuve. Et ce car il y a des gens qui ont prétendu aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah, il a descendu ce verset pour les mettre à l'épreuve, afin de les tester, afin de voir s'ils étaient véridiques dans leur prétention d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quiconque prétend aimer Allah, on regarde quoi? On regarde ses œuvres. On regarde s'il suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. S'il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il est véridique. Il aime réellement Allah, car il s'est soumis à cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, c'est-à-dire suivez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous aimera alors. Et s'il ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est un menteur et sa prétention est mensongère et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Le deuxième verset qu'il a cité est le verset 54 de la sourate Al-Ma'ida, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya ayyuha alladhina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna » أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime, c'est-à-dire que lui aime ce peuple, et ce peuple aime Allah. Ensuite, il les a décrits. Modestes envers les croyants et fiers et puissants envers les mécréants, qui luttent dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc décrit dans ce verset les gens qu'il aime, et il les a décrits par des caractéristiques qui sont des signes de l'amour, ainsi que des fruits qui découlent de cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première caractéristique est qu'ils sont modestes envers les croyants. Ils ne combattent pas les croyants. Ils ne se placent pas dans le camp adverse des croyants. Et ils ne s'opposent pas aux croyants, car ce sont leurs alliés. Ils s'allient aux croyants, et ceci est l'alliance en Allah. La deuxième caractéristique est qu'ils sont fiers et puissants envers les mécréants, c'est-à-dire qu'ils sont forts et dominants. Ils ne se rabaissent pas et ne s'avilissent pas aux mécréants. La troisième caractéristique est qu'ils luttent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'ils prodiguent des efforts pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. La quatrième caractéristique qu'il a mentionnée dans ce verset subhanahu wa ta'ala est qu'ils ne craignent le blâme d'aucun blâmeur. C'est-à-dire que si quelqu'un les blâme pour ce qu'ils mettent en pratique de la religion, ils ne craignent pas son blâme. Et le blâme des gens, cela ne les empêche pas de mettre en pratique la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui aime Allah et qui sait pourquoi il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait par amour, par peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et par espoir de sa récompense. Quant à ce qu'il y a auprès des gens, il ne porte aucun intérêt à cela. Donc le musulman, il est fier de sa religion. Il ne craint pas les blâmes des gens. Donc on voit l'erreur ici de beaucoup de musulmans qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, ainsi que qui est le fait d'avoir peur du regard des gens, d'avoir peur d'extérioriser leur religion par crainte du regard des gens ou par crainte de ce que les gens vont penser d'eux. Ceci ne fait pas partie des caractéristiques des croyants, des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a décrit dans ce verset. Le troisième verset que l'auteur a cité, rahimahullah, ce sont les versets 62 et 63 de la sourate Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans celle-ci: Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. En vérité, les alliés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui croient et qui craignent, c'est-à-dire qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc expliqué que ses alliés, ce sont ceux qui se caractérisent par ces deux caractéristiques immenses, qui sont la foi et la crainte pieuse. La foi par le cœur et la crainte pieuse par les membres. Par conséquent, quiconque prétend être un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne se caractérise pas par ces deux caractéristiques, alors il n'y a pas de doute que c'est un menteur. Celui qui prétend être un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui craint pas Allah, qui n'a pas foi en Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne suit pas son messager sallallahu alayhi wa sallam, qui désobéit aux ordres d'Allah, qui ne se soumet pas aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne délaisse pas ses interdits, alors il n'y a pas de doute que sa prétention est une prétention mensongère. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il a expliqué que cette réalité, elle fut inversée chez la majorité des gens qui prétendent être des savants. En effet, beaucoup de personnes parmi les sectes égarées qui s'affilient à la science et prétendent avoir le savoir, ils pensent que le wali, l'allié d'Allah, c'est celui qui ne suit pas les messagers, celui qui ne lutte pas dans le sentier d'Allah, celui qui ne croit pas en Allah et ne le craint pas. Ils pensent que le wali, c'est celui qui ne se soumet pas aux ordres et ne délaisse pas les interdits. Comme c'est le cas chez de nombreuses confréries soufites, et il n'y a pas de doute que ceci est un égarement. Il y a parmi eux les gourous qui prétendent ne pas avoir besoin des messagers, alayhimu salatu wassalam, et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils prétendent qu'ils n'ont pas besoin des messagers et qu'ils prennent leur religion directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils disent qu'Allah les a affranchis de toute obligation et leur a rendu permis toute interdiction. C'est pour cela que tu les verras, ils ne prient pas, ils n'accomplissent pas d'adoration, ils accomplissent les pires perversions et les plus grands péchés, et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils prétendent être des alliés. Et leurs suiveurs, ceux qui les suivent aveuglément, qu'est-ce qu'ils font? Ils les croient en cela. Ils pensent réellement que celui-ci est un allié d'Allah, et ils le prennent souvent comme associé en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en lui vouant différentes sortes d'adorations, comme l'invocation, comme la recherche de bénédictions en se frottant à lui, ou encore de nombreux actes qui s'opposent clairement à la noble législation de l'islam. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir guidés et de nous avoir préservés de cet égarement. Et on remercie Allah également pour le bienfait de la raison. Car en réalité, il n'y a pas de doute que le fait de croire en une telle chose, en plus d'être un manquement et une défaillance dans la religion, il n'y a pas de doute que ceci provient également d'une défaillance dans la raison. On loue donc Allah subhanahu wa ta'ala et on le remercie pour le bienfait de l'islam, le bienfait de la sunna et le bienfait de la raison. On va maintenant citer quelques paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il a écrit un livre immense à ce sujet qui est intitulé « La distinction entre les alliés du tout miséricordieux et les alliés du diable ». On va donc citer, incha'Allah, quelques passages résumés de ce livre. Il a dit, rahimahullah, « Allah a certes expliqué dans son livre et dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a des alliés parmi les gens et que le diable a aussi des alliés. Il a donc fait la distinction entre les alliés du tout miséricordieux et les alliés du diable. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. » الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. En vérité, les alliés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés, ceux qui croient et qui craignent Allah. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie de l'au-delà, et il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a aussi évoqué dans son livre les alliés du diable. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, comme vous pouvez le trouver dans surat al-Nahl, dans les versets 98 à 100. Il dit subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent polythéistes à cause de lui. Il est donc obligatoire de distinguer entre ceci et cela, c'est-à-dire entre les alliés d'Allah et les alliés du diable. Comme Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont distingué entre eux. Les alliés d'Allah, ce sont les croyants, ce sont les vertueux, ce sont ceux qui ont cru en lui subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont pris pour allié, ils aiment tout ce qu'Allah aime subhanahu wa ta'ala. Ils détestent tout ce qu'Allah déteste subhanahu wa ta'ala. Ils agréent ce qu'il agrée, ils sont courroucés par tout ce qui courroucent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ordonnent ce qu'Allah a ordonné. Ils interdisent ce qu'Allah a interdit. Ils donnent à celui à qui il aime qu'on donne. Et ils refusent à celui à qui il aime qu'on refuse. Donc, ils aiment pour Allah et ils détestent pour Allah. Par conséquent, nul ne peut être allié d'Allah sauf ceux qui ont cru en lui et en ce avec quoi est venu le messager sallallahu alayhi wa sallam et l'ont suivi en apparence et en secret. Et quiconque prétend aimer Allah et être son allié, alors qu'il ne suit pas le messager sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait alors pas partie des alliés d'Allah. Au contraire, quiconque s'oppose à lui, c'est-à-dire quiconque s'oppose au messager sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie des ennemis d'Allah et des alliés du diable. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهِ » Dit, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Et ce verset, le verset 31 de Surat Ali Imran, que l'on a déjà cité. Ensuite, il dit, rahimahullah, les gens diffèrent donc en termes d'alliance à Allah, selon leur différence en termes de foi et de piété. C'est-à-dire que plus la personne est pieuse, plus la personne a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, plus sa foi est élevée, plus son alliance à Allah subhanahu wa ta'ala sera forte, et vice-versa. Il dit ensuite, rahimahullah, de la même manière, les gens diffèrent en termes d'inimitié à Allah selon leur différence en termes de mécréance et d'hypocrisie. C'est-à-dire que plus la personne sera plongée dans la mécréance et l'hypocrisie, Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Plus son inimitié envers Allah subhanahu wa ta'ala sera forte et vice versa. Ensuite, il dit, rahimahullah, et le paradis a des degrés qui diffèrent grandement. Et les alliés d'Allah, croyants et pieux, seront dans ces degrés selon leur foi et selon leur piété. C'est-à-dire que plus leur foi fut élevée dans ce bas monde, et plus ils ont fait preuve de piété, plus leur degré au paradis sera élevé. Ainsi, celui qui ne se rapproche pas d'Allah, n'accomplit pas de bonnes actions, et ne délaisse pas les mauvaises actions, il ne fait donc pas partie des alliés d'Allah. Et il n'est donc permis à personne de croire que ce dernier est un allié d'Allah. Donc ça, c'est important. Cette parole-là, elle est très importante, mes frères. Celui qui ne se rapproche pas d'Allah, il ne prie pas, il n'accomplit aucune bonne action. Il ne délaisse pas les interdits et les mauvaises actions, il est plongé dans les péchés et les perversités à longueur de journée. Celui-ci, il n'est pas possible qu'il fasse partie des alliés d'Allah. Donc, il n'est pas permis aux gens de dire « celui-ci est un wali, celui-ci est un saint, celui-ci est un sayyid » ou autre encore parmi les termes qu'ils emploient. Ensuite, il dit, rahimahullah, « alors qu'en est-il s'il sait qu'il fait ce qui annule l'alliance à Allah ?» Comme le fait de savoir qu'il ne croit pas en l'obligation de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en apparence et en secret. Celui qui sait qu'une personne, elle croit qu'elle n'est pas obligée de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de doute qu'avec cette croyance, il a annulé son alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, ou qu'il croit que les alliés d'Allah ont une voie menant à Allah autre que la voie des prophètes alayhimu salatu wa sallam. C'est-à-dire qu'il pense qu'il n'a pas besoin des prophètes. Il pense qu'il y a une voie menant à Allah subhanahu wa ta'ala autre que celle des prophètes alayhimu salatu wa sallam et qu'il n'a donc pas besoin de suivre la religion de l'islam. Il n'y a pas de doute que celui-ci a complètement annulé son alliance à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala dit ensuite, par conséquent, quiconque manifeste l'alliance à Allah sans accomplir les obligations, ni délaisser les interdits, ou même en faisant ce qui annule cela, il ne revient donc à personne de dire que ce dernier est un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas une condition pour l'allié d'Allah d'être infaillible et de ne commettre aucune erreur. Donc là, il va aborder une autre question qui est très importante. Il dit, rahimahullah, et ce n'est pas une condition pour l'allié d'Allah d'être infaillible et de ne commettre aucune erreur. Au contraire, il se peut qu'il ignore une partie de la science de la législation ou que certaines affaires de la religion lui soient confuses. Car ce n'est pas un prophète. Il ne reçoit pas la révélation. Donc, il y a des choses qui lui échappent. Il y a des choses qu'il ignore. Il se peut qu'il fasse certaines erreurs. Il dit, rahimahullah, par conséquent, étant donné qu'il se peut que l'allié d'Allah se trompe, car il n'est pas à l'abri de l'erreur, alors il n'est pas obligatoire pour les gens de croire en tout ce qu'il dit. Car ce n'est pas un prophète. Ça, c'est très important, mes frères. Car il y a beaucoup d'exagérations à ce sujet. Il dit, rahimahullah, par conséquent, étant donné qu'il se peut que l'allié d'Allah se trompe, il peut voir juste ou se tromper. Il n'est pas obligatoire pour les gens de croire en tout ce qu'il dit, car ce n'est pas un prophète. Il est plutôt obligatoire de soumettre tout cela à ce avec quoi est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si cela est en accord, alors on l'accepte. Et si cela s'y oppose, alors on ne l'accepte pas. Et si on ne sait pas si cela est en accord ou s'y oppose, alors dans ce cas-là, on s'abstient. Donc ça, c'est une règle très importante que le cheikh rahimahullah ta'ala rappelle ici. Le fait qu'un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les savants, il se peut qu'il se trompe et qu'il fasse une erreur. Car l'infaillibilité, elle est réservée aux messagers et aux prophètes alayhimu salatu wassalam. Quant à tout autre qu'eux, ils peuvent voir juste ou se tromper. Et c'est à ce sujet qu'on rapporte la parole de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. De toute personne, on prend et on rejette, sauf de celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, il nous rappelle cette règle et il nous dit que pour savoir si on accepte cette parole ou non, qu'est-ce qu'on fait? On évalue cela avec la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si cela est en accord avec la sunna, alors on l'accepte de lui. Si cela s'oppose à la sunna, alors on ne l'accepte pas et cela est rejeté. Il dit ensuite, rahimahullah, et à ce sujet, les gens sont de trois catégories. Deux extrêmes et le juste milieu. Il y a parmi eux ceux qui, lorsqu'ils croient qu'un individu est un allié d'Allah, ils sont alors d'accord avec tout ce qu'ils pensent que son cœur lui rapporte de son Seigneur et acceptent de lui tout ce qu'il fait, comme le font les extrémistes parmi les soufis. Il dit, rahimahullah, s'il pense qu'une personne est un allié d'Allah, alors tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait il l'accepte de lui, car il pense que son cœur lui rapporte des choses d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il n'a pas besoin des messagers, alayhimu salatu wassalam. Et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de doute que ceci est un égarement évident. Et rentre dans cela également l'exagération de certaines personnes qui acceptent de manière absolue toutes les paroles d'un savant. Tout ce que le savant, un tel dit, alors il le prend comme si c'était une vérité contente, sans l'exposer aux preuves, comme l'ont fait les fanatiques des écoles de jurisprudence, et comme on le retrouve aujourd'hui chez certaines personnes. Il dit ensuite, rahimahullah, « Et il y en a d'autres qui, lorsqu'ils le voient dire ou faire une chose qui n'est pas conforme à la législation, ils le sortent alors totalement de l'alliance à Allah, même s'il a fait une erreur suite à un effort de réflexion. » Donc ça, c'est l'autre extrême. Il y a des gens, ils voient une personne, parmi les croyants, une personne pieuse, comme un savant, un étudiant en sciences, l'imam d'une mosquée, ou une quelconque personne, parmi les musulmans pieux, ils le voient faire une erreur, khalas, c'est terminé. Celui-ci, c'est un pervers, celui-ci, c'est cela. Ils le sortent totalement de l'alliance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il se peut que ce ne soit qu'une erreur, ou alors qu'il ait fait cela suite à un effort de réflexion. Donc, ceci est un autre extrême. Il dit ensuite, rahimahullah, décrivant le troisième groupe, « Et les meilleures des choses sont celles du juste milieu. Essaie de ne pas le considérer comme infaillible, ni dans le péché s'il commet une erreur suite à un effort de réflexion. » Donc, on ne le suit pas dans tout ce qu'il dit, et on ne le qualifie pas de mécréant ou de pervers suite à un effort de réflexion. Il est donc obligatoire pour les gens de suivre ce avec quoi Allah a envoyé son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est très important. De rester au juste milieu. On n'accepte pas tout ce que l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais de la même manière, s'il fait une erreur, alors on ne le qualifie pas de mécréant ou de pervers. Il dit ensuite, rahimahullah, « Et les prédécesseurs de la communauté, ainsi que les imams, sont unanimes quant au fait que la parole de toute personne peut être acceptée ou délaissée, à l'exception de celle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Et ceci fait partie des différences entre les prophètes alayhimu salatu wassalam et autres que parmi les hommes. Donc, parmi les différences qu'il y a entre les prophètes alayhimu salatu wassalam et autres que parmi les alliés d'Allah, c'est que les prophètes alayhimu salatu wassalam, ils sont infaillibles. Parmi les hommes, seule la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wassalam est acceptée de manière absolue et rien n'en est rejeté. Quant à autres que lui sallallahu alayhi wassalam, parmi les imams, parmi les grands savants de la communauté, alors on prend d'eux ce qui est conforme au texte du livre et de la sunna, et on rejette ce qui n'est pas conforme au texte du livre et de la sunna. Il dit ensuite, rahimahullah, ainsi, en ce qui concerne les prophètes, alayhimus salatu wassalam, il est obligatoire de croire en tout ce dont ils informent au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est obligatoire de leur obéir dans ce qu'ils ordonnent. Naam. On doit obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce dont il nous a informé, il est obligatoire pour nous d'y croire fermement, sans aucun doute. On ne doit pas avoir de doute à ce sujet. Il dit ensuite, rahimahullah, contrairement aux alliés, il n'est pas obligatoire de leur obéir dans tout ce qu'ils ordonnent, ni de croire en tout ce dont ils informent. On doit plutôt soumettre leur ordre et leur information au livre et à la sunna. On soumet leur ordre et leur information au livre et à la sunna. Puis, ce qui est conforme au livre et à la sunna, il est alors obligatoire de l'accepter. Et ce qui s'oppose au livre et à la sunna est rejeté, même si son auteur fait partie des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça aussi, c'est très important, mes frères. Ce qui est conforme au livre et à la sunna, lorsqu'un savant, il expose une chose qui est conforme au livre et à la sunna, alors il est obligatoire de l'accepter. Et il est interdit pour le musulman de le rejeter. Il ne doit pas dire « c'est un homme, il n'est pas infaillible, je ne suis pas obligé d'accepter sa parole ». Non, si sa parole est conforme au livre et à la sunna, alors tu es obligé de l'accepter et tu n'as pas le droit de le rejeter. Par contre, ce qui s'oppose au livre et à la sunna, les paroles qui sont dénuées de preuves, celles-ci elles sont rejetées, même si son auteur fait partie des alliés d'Allah, même si son auteur fait partie des savants, même si son auteur fait partie des imams de la communauté. Ensuite, il dit, rahimahullah, et même s'il a fait un effort de réflexion. Mais s'il s'oppose au livre et à la sunna, il est dans l'erreur, et l'erreur, elle peut être pardonnée si son auteur a craint Allah autant que possible. Lorsqu'un juge ou un savant fait un effort de réflexion et qu'il se trompe, il a une récompense pour son effort et son erreur est pardonnée. Et s'il voit juste, il a deux récompenses. Donc lui, s'il a fait un effort de réflexion et qu'il s'est trompé, qu'il a prononcé un jugement qui s'oppose au livre et à la sunna, alors il est dans l'erreur. On dit qu'il s'est trompé. Il n'y a aucun problème à dire cela. Et son erreur, elle peut être pardonnée si il a fait preuve de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son jugement. Ensuite, il dit, rahimahullah, et beaucoup de gens se trompent à ce sujet et pensent que si un individu est un allié d'Allah, on accepte de lui tout ce qu'il dit, même si cela s'oppose au livre et à la sunna. Il se conforme donc à cela pour lui et s'oppose à ce avec quoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager, sallallahu alayhi wa sallam, celui dont Allah a prescrit à l'ensemble de la création le fait de le croire sur ce dont il informe et de lui obéir sur ce qu'il ordonne. Donc ceci concerne le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a ordonné de le croire sur ce dont il informe et de lui obéir sur ce qu'il ordonne. Quant à autre que lui parmi les hommes, il est interdit d'accepter de lui s'il dit une chose qui s'oppose au livre et à la sunna. Ensuite, il a dit, rahimahullah, et il a fait de lui, c'est-à-dire du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la distinction entre ses alliés et ses ennemis, entre les gens du paradis et les gens de l'enfer, entre les bienheureux et les malheureux. Donc comme dans le verset de la mise à l'épreuve que l'on a déjà mentionné. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fait donc la distinction entre les alliés d'Allah et les ennemis d'Allah, entre les gens du paradis et les gens de l'enfer, entre les bienheureux et les malheureux. Les alliés d'Allah, les gens du paradis, les bienheureux, ce sont ceux qui suivent le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en apparence et en secret. Quant aux ennemis d'Allah, les gens de l'enfer, les malheureux, ce sont ceux qui s'opposent au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, rahimahullah, ainsi, quiconque le suit fait partie des alliés pieux d'Allah, et quiconque ne le suit pas fait partie des ennemis d'Allah. L'opposition au messager, sallallahu alayhi wa sallam, et la conformité à cet individu le conduisent donc dans un premier temps à l'innovation et à l'égarement, puis à la mécréance et l'hypocrisie. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Le fait que cette personne, elle s'oppose au messager sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle se conforme à cet homme, à ce gourou de cette confrérie. Ceci, premièrement, ça le conduit à l'innovation et à l'égarement. Puis après, peu à peu, à la mécréance et à l'hypocrisie. Car en réalité, ils prétendent l'islam, ils s'affilient à l'islam, mais ils suivent autre que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils suivent une autre voie que la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en se conformant à un homme autre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci les conduit premièrement à l'innovation et à l'égarement, puis à la mécréance et à l'hypocrisie, et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous préserver. Il dit ensuite, rahimahullah, et tu verras que beaucoup d'entre eux n'ont pour seul appui que cet individu est un allié d'Allah, qu'il lui a été dévoilé certaines choses de l'invisible au sujet de certaines affaires ou qu'il a fait certaines actions sortant de l'ordinaire. Leur seul argument pour dire que cette personne, ce pervers, qui n'obéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne se soumet pas à ses ordres et qui commet ses interdits, leur seul argument pour dire que c'est un allié, ils disent il lui a été dévoilé certaines choses de l'invisible. Comme s'il connaissait la science de l'imperceptible. Ou alors, ils vont dire, il a fait des choses sortant de l'ordinaire. Il dit, rahimahullah, et aucune de ces choses ne prouve que leur auteur est un allié d'Allah. Au contraire, les alliés d'Allah sont unanimes quant au fait que si un homme vole dans le ciel ou marche sur l'eau, alors on ne se fait pas leurrer par lui. Jusqu'à ce qu'on observe son suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et sa conformité à ses ordres et ses interdits. Si ses œuvres sont conformes aux ordres et aux interdits du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qui suit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors on pourra dire que c'est un allié. Mais si ses œuvres s'opposent à cela, alors cela est rejeté. Il dit ensuite, rahimahullah, et les prodiges des alliés sont bien plus immenses que cela, sont bien plus immenses que le fait de voler dans les airs ou de marcher sur l'eau. Il dit ensuite, et ces choses qui sortent de l'ordinaire, même si leur auteur est un allié d'Allah, il se peut aussi qu'il soit un ennemi d'Allah. C'est-à-dire qu'une chose qui sort de l'ordinaire, elle peut être accordée à un allié d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais elle peut aussi être accordée parfois à un ennemi d'Allah. Il dit, rahimahullah, en effet, ces choses arrivent à de nombreuses personnes parmi les mécréants, les polythéistes, les gens du livre et les hypocrites. Elles arrivent aussi aux gens de l'innovation et peuvent provenir des diables. Les démons, ils peuvent faire voler une personne dans le ciel, l'aider à marcher sur l'eau ou à faire des choses qui sortent de l'ordinaire aux yeux des gens. Mais en réalité, ceci n'est qu'une épreuve pour les gens. Vont-ils suivre cet homme? Vont-ils suivre ce charlatan? Ou vaut-il évaluer ses œuvres en fonction des textes du livre de la Sunna, puis se conformer à cela? Il dit, rahimahullah, il n'est donc pas permis de croire que toute personne à qui ces choses arrivent est un allié d'Allah. Mais les alliés d'Allah sont considérés par leurs caractéristiques, leurs actes et leurs situations indiquées dans le livre et la Sunna, comme on l'a vu à travers les versets. Puis il dit, rahimahullah, et on les reconnaît par la lumière de la foi et du Coran, ainsi que par les réalités intérieures de la foi et les rites apparents de l'islam. C'est-à-dire qu'ils extériorisent l'islam. Et on voit les réalités intérieures de la foi se manifester à travers leurs actes. Ensuite, il souligne un point très important, à savoir au sujet des prodiges. Il dit, rahimahullah, et il convient de savoir que les prodiges peuvent avoir lieu selon le besoin de l'homme. C'est-à-dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il peut accorder une de ces choses qui sort de l'ordinaire suite à un besoin de l'homme. Il dit, rahimahullah, ainsi, s'il en a besoin à cause de la faiblesse de sa foi, il lui en est accordé de sorte à renforcer sa foi et à combler son besoin. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder cette chose. Car Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'il est faible et qu'il a besoin de renforcer sa foi. Donc il lui accorde ce prodige dans ce but-là. Il dit, rahimahullah, et celui dont l'alliance à Allah est plus complète se passe de cela. Il ne lui arrive donc pas la même chose que le précédent de par son rang éminent et qu'il n'en a pas besoin. Non pas par un manque dans son alliance, mais seulement parce qu'il n'en a pas besoin. Donc, celui qui est un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui montre ainsi des prodiges, lui accorde certains signes ou autres, car il a une certitude dans sa foi, il a la foi ferme, il a la foi élevée, il n'a donc pas besoin de ces signes. Il dit, rahimahullah, c'est pour cela que ces choses furent plus nombreuses chez les tabi'in que chez les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Les tabi'in, donc, qui sont ceux, les disciples des compagnons. Ceux qui sont venus, qui ont pris la religion des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Ces prodiges-là, ils ont été plus nombreux chez les tabi'in que chez les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Alors qu'il n'y a pas de doute que les compagnons étaient bien meilleurs qu'eux. Il dit, rahimahullah, contrairement à celui à qui il arrive des choses, sortant de l'ordinaire, dans le but d'être une guidée pour les gens et qu'ils en ont besoin, ceux-là ont un rang plus éminent encore. Il dit donc, contrairement à celui qui arrive des choses sortant de l'ordinaire, dans le but d'être une guidée pour les gens. Comme les choses qui sont arrivées au prophète, alayhimu salatu wassalam. Ces signes-là, ils ont été un signe pourquoi? Pour que les gens les suivent. Et ceux-là, ils ont un rang plus éminent auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceci était donc quelques passages résumés du livre de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, intitulé, comme on a dit, La distinction entre les alliés du tout miséricordieux et les alliés du diable. Ceci était donc quelques points essentiels concernant ce fondement qui nous permettent, inshallah, de distinguer entre les alliés d'Allah et les alliés du diable. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me compter ainsi que vous parmi ses alliés. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.